Marc 5, versets 1 à 20, je lis les versets 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Dans ce chapitre 5 de l'Évangile selon Marc, un homme indomptable rencontre Jésus-Christ et la véritable liberté. Il passe alors de maître d'un cimetière à conquérant de 10 villes. Examinons le parcours de cet homme en 3 portraits. 1. Un homme indomptable. 2. Un homme sous influence. Et 3. Un homme d'influence. Alléluia. Vous écoutez « Rencontrer Jésus-Christ, témoigner ». Ceci est un enseignement de préparation au séminaire « Métanoïa », transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le séminaire « Métanoïa » est une invitation à rencontrer Jésus-Christ et à expérimenter la transformation par laquelle il divise toute histoire humaine en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Je suis Marie-Laure Braga et revoici Paul-Julien Braga pour la suite du message. Bonne écoute! Alléluia. Alléluia. 1. Un homme indomptable. Le comité d'accueil pour Jésus et ses disciples dans le pays des Gadaréniens est un homme sortant d'une résidence inhabituelle, le cimetière. Non, ce n'est pas un fantôme. C'est un homme qu'on peut toucher et qu'on peut pincer. Seulement, on ne peut pas le maîtriser et l'attacher. Le maîtriser, l'attacher? En effet, les gens ont essayé de le lier de fer aux pieds et de chaînes, mais il a défait tout ça. Marc 5, les versets 4 à 5 rapporte, « Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Voilà donc un homme qui a la force et la liberté de faire tout ce qu'il veut. Et que fait-il de sa liberté? Choisir le cimetière pour sa résidence? Passer ses jours et ses nuits dans la solitude du cimetière et des hauteurs? Crier, se blesser avec des pierres? La condition de cet homme rappelle bien comment le péché peut, sous des apparences de liberté, enfermer les gens dans l'antichambre de la mort. Mais l'homme rencontre Jésus. 2. Un homme sous influence. Mais l'homme rencontre Jésus et alors il devient évident qu'il est sous l'influence des démons. Ironiquement, ces démons qui ont tourmenté l'homme depuis demandent à ne pas être tourmentés. Ils s'agitent à la vue de Jésus, car leur occupation clandestine du corps de cet homme est sur le point de prendre fin. Ils supplient Jésus de ne pas les expulser du pays. Marc 5, verset 12 nous dit, « Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux, ce que Jésus leur permet. » Et ils ne tardent pas à manifester leur influence destructrice. 2000 pourceaux sont précipités des pentes et se noient dans la mer. Sans surprise, l'événement fait la une dans le territoire. Alors les gens vont voir ce qui est arrivé. Mais il n'y a plus de pourceaux à voir, ils sont tous morts dans la mer. Et voilà l'homme des tombeaux, décrit par Marc 5, le verset 15, comme étant assis, vêtu et dans son bon sens. Cette vue effraie ses concitoyens. Or, qu'y a-t-il d'effrayant à être assis, vêtu et dans son bon sens? Les démons auraient-ils tellement déshumanisé cet homme que les Gadaréniens ne pouvaient pas s'attendre à une vue aussi banale d'un être humain. Leur réaction est encore plus surprenante quand, s'étant fait raconter ce qui était arrivé à l'homme et au pourceau, ils supplient Jésus de partir de chez eux. Est-ce la conséquence du double choc de la destruction des pourceaux et de la restauration de l'homme? Jusqu'ici, tout cela se passe sous le regard silencieux de l'homme naguère indomptable. 3. Un homme d'influence. Jésus se plie à la demande des Gadaréniens et monte dans la barque pour s'en aller. Alors, l'homme lui demande la permission de rester avec son libérateur. L'indomptable solitaire que rien ni personne ne pouvait arrêter demande la permission. Fini la liberté et la solitude mortifère du cimetière. Il demande la permission d'aller où son libérateur ira. Mais Jésus a une meilleure idée. Marc 5, verset 15. « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Dans cette région qui ne veut pas de lui, Jésus a besoin de témoins. Ce gadarénien naguère tristement célèbre est le témoin tout trouvé de la bonté et de la puissance du Seigneur. Il s'exécute avec zèle. Il ne se contente pas de rendre témoignage dans sa maison, sa famille ou sa ville. Il couvre toute une région de 10 villes, publiant tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous sont dans l'étonnement. Il est devenu un homme d'influence, répandant la gloire de Jésus. Et vous, publiez-vous avec zèle tout ce que Jésus a fait pour transformer étonnamment votre vie? Alléluia, alléluia, alléluia. Vous venez d'écouter Rencontrer Jésus-Christ, témoigner. Ceci est un enseignement de préparation au séminaire Métanoïa, transformé à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Le séminaire Métanoïa est une invitation à rencontrer Jésus-Christ et à expérimenter la transformation par laquelle il divise toute histoire humaine en un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Vivez transformé au nom de Jésus-Christ.